Les grands boulevards. Quatrième séquence sonore, GB4. La parole perdue. Cette séquence groupe 5 fragments. Premier fragment sonore, quelques mots dans un hall d'entrée. Maintenant, j'ai plus de deux temps. Bonjour.